Tech Info, les informations techniques. Mathieu Giroux. La prochaine génération de transistors 3D pourrait remettre la loi de Moore au goût du jour. En effet, il y avait une stagnation sur la puissance des processeurs. Le secteur informatique et technologie garde sa position dans le classement des secteurs d'activité qui rémunèrent le mieux, d'après une étude menée par Puppet. France, la ministre de l'Éducation ne veut pas de Pokémon rares dans les écoles, afin d'éviter les rassemblements de joueurs dans les établissements. WhatsApp va partager les numéros de téléphone de ses utilisateurs avec Facebook, afin de mieux les cibler avec des publicités pertinentes. Apple corrige en urgence 3 vulnérabilités 0-day sur iOS qui ont permis à un logiciel espion de passer sous les radars pendant des années. Facebook teste des vidéos qui se lancent en autoplay avec le son activé par défaut. Le but est de savoir comment vont réagir les utilisateurs. C'était Tech Info.